plus quand tu parles. Cut through the line, straight to desire. Vous avez aimé les 30 dernières secondes? Imaginez 3 heures! Les Palmarès, c'est fou, les jeudis de 15h à 18h, on rappelle les vendredis à 17h et les dimanches à midi.